Section 52 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 52. Croquis de novembre par Gustave Geffroy. Chapitre 1. La religion de la mort. On a raison de le dire. Paris qui a détruit tant de cultes en a conservé un, le culte de la mort. Les idées, en effet, ne disparaissent pas du monde d'un seul coup, ainsi que les génies qui tombent dans une trappe de féerie. Comme toute chose, elles se transforment et passent par de singuliers avatars avant d'arriver à l'état de curiosité historique. C'est ainsi que toutes les sentimentalités religieuses, toutes les effusions mystiques, toute la poésie formidable et mystérieuse de l'infini, toute la curiosité maladive et nerveuse de l'homme pour l'inconnu, se résolvent à cette heure en un culte, qui a ses cérémonies, ses rites, sa phraséologie, ses oraisons, ses insignes, pour la déesse macabre qui menait la ronde du Moyen-Âge. Ce n'est plus aujourd'hui la folie de la peur, l'adoration désespérée de la grande libératrice, qui nous font établir et entretenir des nécropoles au milieu du champ de bataille sociale. Une ville des morts au milieu de la ville des vivants. L'hommage que nous rendons au néant ne comporte pas l'exaltation, le rire fiévreux, l'épilepsie qui faisait aux hommes du Xe siècle danser la danse de Saint-Guy dans les cimetières avec la Camarde pour chef d'orchestre. Ce qui nous reste de cette névrose de nos pères, atteinte, affaiblie par tant de causes diverses, se traduit autrement. Les manifestations romantiques, qui ont besoin des chants du sabbat et de la lueur tragique et bleue du clair de lune comme accessoire, ne sont plus notre fait. Les hallucinations se sont embourgeoisées et nous réglons nos accès comme des comptables. On salue au passage tout cadavre, fût-ce celui d'un malhonnête homme. Les femmes et les enfants des libres penseurs font le signe de la croix devant les corbillards. Il nous faut pour conduire les nôtres au cimetière un prêtre parfois et toujours un cocher en culotte courte et des chevaux empanachés. Tous les ans, à date fixe, il y a un jour, jour férié, comme les anniversaires catholiques, désignés par l'Église catholique d'ailleurs, où l'on se rend dans les cimetières en promenade, où l'on part comme un autel, la pierre tombale sur laquelle croissent, pendant tout le reste de l'année, les herbes folles et les tristes scabieuses. L'hérédité religieuse se réveille ce jour-là. La terreur de la mort prêchée par le prêtre catholique se représente même à l'esprit qui a su se débarrasser des dogmes, et la population presque tout entière s'achemine vers les cimetières. Les vêtements de deuil, les crêpes fixées au chapeau par des perles, les longs voiles, les bijoux de jet, tous ces signes par lesquels on croit exprimer la douleur, ne disent-ils pas qu'il s'agit ici d'initiés à des mystères spéciaux, de fidèles réunis dans un acte de foi commun? Certes, la foi n'y est plus, mais l'habitude transmise est restée, groupant à certaines dates des adeptes inconscients. Qu'on entre avec la foule dans les cimetières. Dans la grande avenue sablée, gazonnée, s'élèvent les chapelles élégantes, les monuments somptueux, les édifices carrés, spacieux, abritant des familles. Tout est construit en pierre de premier choix. Des serruriers artistes ont forgé les grilles et les entourages curieusement ouvragés. Des noms en lettres d'or resplendissent au fronton, mettant la vanité de la richesse sur les restes sans nom auxquels ils servent d'enseigne. C'est la chaussée d'antin du cimetière, le triomphe des financiers et des notables commerçants par-delà le tombeau. Plus loin, dans des allées ombragées et solitaires, les monuments affectent la morgue des aristocraties défuntes. La statue ou la colonne élevée à la mémoire d'un politique, d'un écrivain, d'un artiste ou d'une grande fortune s'élève au-dessus des tombes vulgaires, comme ceux qu'elles célèbrent dominait autrefois les vivants. Sous la terre seulement, le niveau est le même. Puis, c'est toutes les fortunes, tous les états sociaux, toutes les naïvetés, tous les orgueils qui ont acheté ou loué le terrain, élevé des monuments, tracé des inscriptions, cherché l'arrangement le plus ingénieux, le plus tristement grotesque, le plus lamentable. Partout des croix s'élèvent, en granit, en marbre, en simili-marbre, en carton-pierre, en bois, à côté de douleurs affreuses, mais qui auraient dû se cacher. Des réclames impudentes couvrent les bras de ces croix indicatrices. Les monuments se ressentent, tous de la collaboration d'héritiers en marchandage et de marbriers qui apprécient la douleur à sa juste valeur. Comme pour l'ameublement moderne, on a copié les époques passées, la stèle grecque, l'obélisque égyptien, le cippe romain, la chapelle gothique à vitraux, le tombeau renaissance à statue couchée, la coquette niche XVIIIe siècle, et surtout les pierres et arabesques et à astragales du style rococo s'alignent, avec incohérence, le long des allées. Dans les caveaux de famille se dresse un autel, couvert de vases, de cierges, de cadres à devises, d'horribles fleurs poussiéreuses. Devant un tabouret, un prie-dieu. Il ne manque que le prêtre officiant. Cela ne suffisait pas. Il a fallu exercer son imagination sur les 6 pieds de terre qui recouvrent un cadavre, raffiner les symboles, trouver des effets inédits de décoration. Et on a taillé les ifs, dessiné des croix avec le buis, écrit des mots avec les pensées, qui ressemblent à des têtes de mort, assemblées d'autres fleurs qui signifient désespérance, avec d'autres encore qui parlent d'immortalité. Mais le cimetière a aussi ses faubourgs, ses charniers. La fosse commune est hérissée de croix, de balustrades mal noircies et délavées par les pluies. Les plantes parasites, les mousses, les ronces y croissent. La mort, dans le calme de campagne déserte, qui règne parfois là, comme dans un cimetière de village, pourrait paraître ce qu'elle est, le suprême repos, la conclusion mélancolique d'une vie de travaux et de peines qui n'a nul besoin de mirages extraterrestres et de fausses consolations. Mais le goût régnant n'a pas voulu qu'il en fût ainsi. Les guirlandes de fleurs artificielles, les couronnes de soi-disant immortelles, bientôt desséchées et pourries, les verroteries, les plâtreries et les enluminures viennent encore mettre la leur agacement emblématique. Les sentiments d'affection que nous ressentons pour les parents, les amis que la mort a frappés dans nos bras, sont mis hors de question. Certes, oui, il faut songer aux morts, honorer leur passé de travail ou d'intelligence ou de misère. Mais croit-on que les honneurs puérils qu'on leur rend à leur reste, que la décoration imaginée pour leur tombe ne soit pas du domaine de l'illusion? Il y a, dit-on, une satisfaction pour la pensée, un réconfortant pour la vie, à savoir que là, sous cette croix mensongère, sous cette inscription ridicule, se décomposent quelques débris d'os et de chair. Mieux vaudrait accepter la fatalité de la mort, la nécessité de la séparation, d'un cœur plus fort, d'un esprit plus courageux. C'est dans la mémoire que doit rester, vivace et inaltérable, le souvenir de ceux qui ne sont plus. Il est peu consolant d'être trompé. Il est indigne de l'homme de chercher à se tromper lui-même. L'homme de bien, qui laisse des enfants et des amis derrière lui, ne leur lègue-t-il pas le meilleur de lui-même, l'exemple de sa vie? Et si l'on veut agrandir l'idée, l'homme de génie, qui n'a pas seulement travaillé pour ses enfants, mais pour ses contemporains, mais pour l'humanité, ne laisse-t-il pas son œuvre debout, autrement belle, autrement élevée, que la statue ou la colonne d'un cimetière? Est-ce la tombe d'un père ou est-ce son souvenir fidèlement gardé par un fils qui constitue le plus précieux hommage? Shakespeare et Michel-Ange ne sont-ils pas aussi vivants qu'au XVIe siècle? À voir hier la foule encombrer les boutiques funéraires et les allées des cimetières, s'extasier sur le luxe insolent des tombes des millionnaires. La pensée évoque Lamennais, le prêtre devenu socialiste, qui mit son orgueil à descendre dans la fosse commune, dans la foule anonyme des morts, dans la matière d'où tout sort et où tout retombe. Fin de la section 52, lue par Margot.